En direct des studios 5447, vous écoutez JF et compagnie. Et voici votre animateur, JF Cromp. Ah ah ah, oui, mesdames et messieurs, oui, bonsoir et bienvenue à ce sixième épisode de JF et compagnie. Ah, mesdames et messieurs, JF et compagnie, oui, ce show qui diffuse, même avec aucun téléspectateur, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir, hey buddy, bonne fin de semaine, hey, bonsoir tout le monde. Et on se prend une petite bière et on fête l'arrivée de la fin de semaine. C'est vendredi aujourd'hui, donc on prend ça relax et on fait un petit show assez relax aujourd'hui. Je vous explique pourquoi à l'instant. Ah, après cette bonne gorgée de Corona, mesdames et messieurs. Eh bien, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'avais personne sur le show. J'avais personne comme collaborateur et j'avais personne comme fan. Sauf peut-être David qui m'écoute dans son salon, David Thibodeau, Mr. Mini Wheat, là. Il y a peut-être lui, mais sinon, je suis pas mal tout seul, donc... Écoutez, je fais un show pour la forme, là, puis pour le monde qui m'écoute en replay, en podcast. Donc, ben c'est ça, en fait. Premier show un petit peu improvisé, un petit peu tout croche. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, écoutez, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Jean-François Cromp. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à JF Cromp. Et je suis l'animateur de ce podcast, de ce spectacle qu'est JF et compagnie. Ben écoutez... J'avais une grosse annonce à faire aujourd'hui concernant Young Media. Eh bien, je la ferai pas, mesdames et messieurs. Et non, je vais la garder pour lundi, finalement. Parce que lundi, on a plus de monde d'habitude. Là, je me suis rendu compte, après deux semaines, que le vendredi après-midi, l'été, c'est peut-être pas la meilleure plage horaire. Là. Ben, en fait, le vendredi soir, entre 8h30 et 9h30, dans mes heures de diffusion normales, c'est pas probablement la meilleure plage horaire, comme je disais. Parce que, en fait, je voulais avoir les spectateurs, dans le fond, qui seraient ceux qui sont avant les bars, là, qui se préparent à sortir entre 8h30 et 9h30, là, dans le fond, qui est trop tôt pour sortir. C'est cette clientèle-là que je visais. Mais l'été, j'avais oublié qu'il y avait les terrasses, donc le monde sort pas mal plus tôt et ils sont pas devant leur ordinateur ou devant leur téléviseur. Il y a juste moi qui fais ça présentement. Là. Écoutez, la canicule est passée et mon air climatisé est finalement installé. Quel beau timing cette semaine! Ben écoutez... À part les nouvelles pour Young Media que je vais vous donner lundi, qui sont des très très grosses nouvelles en fait, ben on a eu d'autres nouvelles concernant le podcast cette semaine. Ça, je peux vous en parler un peu, je vais en reparler lundi, mais en fait, on a eu deux groupes québécois qui nous ont donné l'approbation de jouer leur musique de façon légitime et légale sur notre podcast. Donc, on a le groupe Bébit, bébit.ca pour ceux qui veulent voir, dans le fond, c'est... Guillaume Martin Laval et Gabriel Dancos, si je me trompe pas, qui forment ce duo, qui reprennent les chansons des Beatles, mais en français, en québécois, dans le fond. Écoutez, je vais aller vous montrer leur site en premier. Ça va faire un petit peu de contenu, étant donné que, écoutez, c'est assez libre aujourd'hui. Je vais faire ce qui me tente, et si je suis pas prêt, ben, c'est normal. Et puis, je vous capture des affaires on the go, comme présentement. Ah, voilà, donc, bébit.ca. Qui est ici pour entendre notre musique, donc je pourrais peut-être vous faire entendre un peu ce que ça a l'air. Qu'est-ce qu'on pourrait faire entendre? Bon, écoutez, 8 jours semaine, dans le fond, qui est 8 days a week. On va voir ce que ça donne, version bébite, donc version en québécois. Là. Ça vous donne une bonne idée un peu, c'est carrément les Beatles, mais version, je dirais même plus que francophone, je dirais québécoise. On a vu les mots coupés pour faire fitter un peu les accords des mots. Là. Écoutez, donc Bébite qui nous a donné l'approbation de diffuser leur chanson, donc attendez-vous à avoir de la musique des Beatles en français dans les prochaines semaines pour le podcast. Je crois que j'ai lu que eux autres, dans le fond, ils prennent pas seulement le beat, c'est qu'ils refont carrément la musique là, au complet, eux autres même. Puis c'est eux qui réécrivent les paroles, dans le fond. Donc, ils se basent sur le texte, la musique originale, mais ils vont tout refaire les instruments, puis tout refaire ça. Donc, Et puis, on a également, mesdames et messieurs, les hommes cellophane. Oui, les hommes cellophane qui nous ont donné approbation de jouer également leur musique sur notre podcast. Donc, les hommes cellophane, qui est un groupe qui était à l'époque composé de 3 personnes. Ils sont rendus 4 maintenant avec un nouveau batteur. Dans le fond, ils font de la musique un peu électronique, 8-bit trash un peu, là. Sous le thème des zombies, très souvent, mais même que tout le temps, dans le fond, c'est pas mal. Ce qui revient dans leurs chansons, c'est les zombies, c'est le thème principal. Je peux peut-être faire écouter un petit extrait d'ailleurs. Là. Ben, nous autres, Young Media, on est en train de monter justement le vidéoclip, leur premier vidéoclip, dans le fond, des hommes cellophane, qui est Les zombies se lèvent. Donc, on est là-dessus, David et moi, presque à temps plein. Là. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines, ce vidéoclip, et vous allez le voir en primeur ici à GF et compagnie. Je vais vous faire quand même écouter la chanson pour vous donner une idée. Ça va vous donner le feel un peu de ce qu'ils font là. Et puis vous allez avoir ça même en excellente qualité. Donc je vous passe ça à l'instant. Les hommes cellophane, voici à quoi ça ressemble. Oui, ça va mieux que mon micro ouvert. Les hommes cellophane, mesdames et messieurs, donc c'est carrément, on est ailleurs que Bibit, c'est sûr, là. C'est beaucoup plus électronique. Je pense qu'on a pu entendre les petits sons un peu style 8-bit là, qui nous rappelleraient les jeux vidéo, le Punch-Out, puis tous ces jeux-là. Là. Donc, les hommes cellophane qui seront dorénavant dans notre listing de nos chansons. Donc, attendez-vous à l'émission de lundi à entendre un extrait de Bibit et un extrait de les hommes cellophane. Pour les hommes cellophane, je vais passer les zombies se lèvent. Et puis pour Bébite, je sais pas encore, là, je dois faire le tri dans leurs chansons et écouter ça et savoir ce qui fait le mieux. Excusez-moi, il y a également Guillaume Martin Laval qui fait partie de Bébite qui m'a envoyé ses compositions personnelles. Donc on va avoir également là, des compositions originales qui vont jouer de lui. Donc ça aussi, ça va être diffusé dans les prochaines semaines dans le podcast, mesdames et messieurs. Ah! Bien, podcast, ouais, podcast, on va aller voir s'il y a du monde qui se sont joints à la chatroom en temps et lieu. Et non, on a toujours currently one viewer, alors c'est notre viewer qui est là, ben, bonne écoute! Et puis, écoutez, je pense qu'on va aller faire un petit bloc musical tout de suite. Étant donné que j'avais vraiment rien préparé aujourd'hui, puis que je voulais faire vraiment juste le podcast pour la forme, puis pour dire que je l'ai fait à temps, là, puis surtout que j'ai mon souper qui dégèle présentement, là, donc j'avais un petit peu de temps à tuer. Mais j'ai décidé de repasser 2 chansons cette semaine que j'ai jouées et que j'avais bien aimées. Et pour commencer le premier bloc, je vous repasse Super Being avec la chanson Down in Flames, mesdames et messieurs. Et je reviens après dans le deuxième bloc. Restez là. Scream for one more day. Yeah, Down in Flames, mesdames et messieurs, avec Super Being, une de mes tunes que j'ai bien aimé cette semaine. C'est assez difficile d'avoir des bonnes chansons en pod safe, surtout que, en fait, moi je les prends de musicalley.com et puis c'est très mal fait ce site-là pour les recherches, c'est comme tout en batch, puis t'as pas moyen de vraiment de trier. Puis il y a beaucoup de merde qui se ramasse sur musicalley, beaucoup de crap, n'importe qui fait de la musique peut envoyer ses démos là-bas et puis... ou ses chansons carrément pour donner ça gratuitement. Puis, ben, il faut que tu cherches pas mal avant de trouver une bonne chanson. Puis, étant donné que c'est long, ben, souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute un 15-20 secondes de la tune. Si j'aime le beat ou si je trouve ça intéressant, je la prends, je la passe dans le show, puis je découvre le reste avec vous autres. Puis, des fois, c'est pas nécessairement une bonne idée là, de te faire ça. Mais, en tout cas, à cette heure, avec les tunes des hommes, c'est le fan. Et puis, les tunes. De bébite, on va avoir un petit peu plus de variété et puis ma bibliothèque va finir par grossir et je vais avoir un meilleur choix musical pour vous, mesdames et messieurs. Ah, toujours au micro, Jean-François Crompe pour JF et Crompagnie. Épisode numéro 6 déjà, ouais, fait déjà 2 semaines que j'ai commencé, ça passe vite pareil. Ah, ça passe vite quand on a du plaisir et pas de contenu, mesdames et messieurs. Oui, ben, tout d'abord, je tiens à ressouligner et redire salut à mon auditeur David de... David qui m'écoute de chez eux dans son salon. Donc, David, salut avec ta Corona. Cheers! Je vais me prendre une gorgée sur ça. Ah! David, que j'aurai probablement comme invité lundi pour faire une annonce d'un gros projet de Young qu'on a eu une confirmation de cette semaine. Ah, donc, hier, oui, discuté avec un certain Sylvain Marcoux au téléphone et puis on a eu des confirmations. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je veux garder le gros scoop pour... quand il va y avoir plus qu'une personne. Puis de toute façon, la personne qui est à l'écoute sait déjà c'est quoi le projet. Donc, on va garder ça pour la semaine prochaine. Ah, mais écoutez, je vais faire peut-être un petit survol de l'actualité tant qu'à être là. Puis que de pas avoir de contenu, là, on va prendre ce qui passe. Puis on va faire un petit peu de temps avec ça. Puis après le deuxième bloc musical, restez là. J'ai 2 clips de Lonely Island. Je vais passer I'm on a Boat et le classique déjà, Mother Lover. Là, je peux pas le passer sous le silence, ce clip-là. C'est trop de la bombe comme musique. Ben, malheureusement, on a appris cette semaine qu'il y a le chanteur Claude Léveillé qui est décédé. Très triste, grosse perte pour la colonie artistique. Très, très grand parolier, chansonnier, grand acteur aussi. Joué dans Scoop, notamment. J'ai lu ça, je ne me rappelais pas qu'il avait joué dans Scoop parce que j'étais trop jeune quand j'écoutais Scoop. Mais bon, Claude Léveillé qui est décédé. On a Apple également qui a eu cette semaine le WWDC, donc le Apple Worldwide Developer Conference. Oui, vendredi, donc 5 jours après, je le sais maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire le WWDC? Ah, ça, j'ai l'air un minimum plus pro. Pour récapituler vite, dans le fond, il n'y a pas eu de périphérique qui a été annoncé pour le WWDC. Ouais, c'est ça pour Apple. Pas de nouveau iPhone, pas de nouveau iPod Touch, pas de nouveau iPad 3, ça j'espérais là. Mais j'espérais qu'il n'en sorte pas justement là, parce que ça aurait été un petit peu overkill comme je pourrais dire là. Mais donc ce qui a été annoncé c'est le iOS 5, donc une nouvelle version d'iOS qui s'en vient sur les téléphones iPhone et les iPod Touch et les iPad. Il y a également Lion, macOS Lion qui va être vendu à 25$ par le Mac App Store qui est annoncé. Et on a également lancé en grande pompe le service iCloud et MobileMe qui devient gratuit par le fait même. Donc iCloud et... iTunes Match qui permet de synchroniser les chansons qui n'ont pas été achetées sur iTunes dans le nuage. Ah, laissez-moi vous dire que d'ailleurs, concernant le cloud computing, le terme francophone qui a été décrété, je ne sais pas si c'est officiel, mais j'entends ça beaucoup dans les podcasts, dans des émissions d'émissions d'électronique là, et d'informatique, l'info nuagique. Not! Qu'est-ce que c'est ça, l'info nuagique? J'espère que c'est pas passé pour vrai au conseil, ça, l'info nuagique. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit rappel là-dessus, l'info nuagique, s'il vous plaît? Ah, hey, s'il vous plaît, là, accordez-moi le cloud computing en français. Là. Les Français font pas mal peur dans leur vocabulaire puis ils se disent qu'ils parlent français. Ah, on va me calmer là, un petit peu, c'est pas bon pour mon cœur, mesdames et messieurs. Ben également, il y a eu le E3 cette semaine, donc la grosse conférence de dévoilement pour les jeux vidéo pour l'année qui s'en vient. J'avais dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce serait un spécial E3. Eh bien, mesdames et messieurs, ça ne l'est pas parce que j'ai pas de fans. J'ai pas personne qui m'écoute à part David. Donc, si vous m'écoutez en rediffusion, ben vous allez avoir de la musique et des vidéoclips. Mais non, dans le fond, j'ai pas fait de gros coverage du E3. Mais je peux vous dire un peu en détail ce qui s'est passé. Donc, du côté Microsoft, ce qui est annoncé, c'est Kinect. Donc, si vous n'avez pas la Kinect, c'est ce qu'ils veulent que vous achetiez. Et c'était pas mal des jeux de Kinect qui ont été annoncés. Microsoft qui dit qu'ils veulent devenir l'outil numéro 1 pour le multimédia, pour tout ce qui est multimédia dans le salon chez vous. Donc, avec la Kinect, à cette heure, plus besoin d'utiliser de télécommande pour changer, par exemple, sur l'application Netflix. Je pense que vous faites ça à gauche ou à droite, puis ça change les films. C'est vraiment nécessaire, moi je pense pas, mais c'est le fun pour les jeux, mais encore là, c'est comme la Wii, moi je pense que c'est un gadget, puis c'est plus pour les jeux en famille, les jeux de party. Mais bon, donc du côté de Microsoft, pas de nouveau périphérique qui est annoncé. Côté de PlayStation, il n'y a pas eu de mention vraiment concernant le hack qu'il y a eu sur le PS3, le PSN, le PlayStation Network. Par contre, ils ont annoncé un nouveau périphérique, PlayStation, le PS Vita. Donc PS Vita, qui veut dire vie. Non douteux s'il en est un. Quand même, console fort intéressante. Je vais aller sur internet pour essayer de voir si je peux pas mettre des petites images de tout ça. Donnez-moi une petite seconde. Ah, ici j'ai une image. Canoë, est-ce que je peux l'avoir en plus gros? Donc le PS Vita qui est dans le fond la nouvelle version du PSP va être vendu à des prix entre 2,49 et 2,99. Je pense qu'il va avoir une version 3G en plus de ça. Donc le PS Vita qui est ceci, donc un écran assez gros, on voit ici qu'il y a deux contrôleurs analogiques, ici le contrôle classique et les pitons, il y a des bumpers en arrière, je pense que l'écran est tactile, oui, et je pense même que l'écran est tactile en arrière, c'est pas bon pour vous que je scroll de même, ah ok, donc ouais ils veulent concurrencer la 3DS, le PS Vita... Donnez-moi une petite seconde. Un écran OLED, donc, qui passe désormais de 4,2 pouces à 5 pouces, avec une meilleure définition. Donc, toutes sortes de jeux qui ont été annoncés. Il y a eu Tennis Virtua, Tennis 4, Bushido Blade, qui sont des jeux déjà sortis pour ça. Et si j'ai bien lu, le PS Vita va fonctionner avec des cartouches, mesdames et messieurs. Donc oui, un retour aux cartouches. Assez surprenant quand même, mais... Quoique maintenant, avec les... Avec les clés USB, on peut avoir des 16-32 gigs dans un petit morceau de métal. Donc, j'imagine qu'ils peuvent stocker bien de l'information dans des cartouches. Possiblement d'autres jeux qui ont été annoncés pour PlayStation, mais j'ai pas fait ma recherche, mesdames et messieurs. Ah, et troisième gros joueur du jeu vidéo, mesdames et messieurs, c'est Nintendo. Et Nintendo qui est allé encore en grand en innovant dans un concept. Trop peu, trop tard, ça j'en reparlerai après, mais... Donc, Nintendo qui ont annoncé la succession de la Wii, qui est maintenant la Wii U. Ou je ne sais pas si on dit Wii 2 ou Wii U. Non, c'est Wii U. Donc, la Wii U qui vient avec maintenant un nouveau contrôleur. Ben, en fait, la Wii U qui sera d'une puissance équivalente à une PS3 ou une Xbox 360. Donc, 6-7 ans après la sortie de la Xbox puis de la PS3, Nintendo sort quelque chose qui est déjà désuet côté performance. À leur habitude, me direz-vous, mais bon... J'imagine qu'ils se mettent à un certain standard et puis que tout le reste, tous les jeux vont être développés sur ce standard. Je vais essayer de trouver la manette. Bon, à fond, ça ici, je vais juste capturer mon écran. Ça, c'est la Wii U. Donc, un look slick là, quand même. On pourrait dire que ça ressemble un peu à une Xbox, mais en blanc. Donc... En fait, c'est pas la Wii U en tant que telle qui est intéressante dans tout ça. C'est le contrôleur qu'ils ont sorti. Et je vais vous le montrer ça également à l'instant. Voici. Donc, je vais juste recadrer ça parce que c'est pas très bien cadré. OK, donc, contrôleur avec un écran de 6 pouces tactile. Des bumpers en arrière, bumpers sur le top ici. Donc, bumpers, je veux dire, les pitons sur le dessus. Les triggers en arrière plutôt. Deux triggers, des boutons analogues de chaque côté. Comme je dis, un écran de 6 pouces tactile. Une caméra en avant, une caméra en arrière. Et puis, ça permet notamment de voir des choses qui ne seront pas nécessairement à l'écran avec cette remote-là, avec ce contrôleur-là. Et puis, ça va permettre différentes jouabilités parce que on peut jouer avec ça, mais on peut jouer également avec les Wiimote, comme donc avoir différents contrôleurs, dépendamment du jeu avec lequel on joue. Et puis également, c'est compatible avec l'écran. Donc si on pointe vers l'écran, comme la photo ici que j'ai, la fille voit dans l'écran de son contrôleur de la Wii U, dans le fond, ce qui est à la télé. Et si on voit dans un démo que je vous montrerai pas tout de suite, si la fille prend son contrôleur et le tourne à gauche, à droite, en haut, en bas, ben elle va voir ce qu'il y a dans l'écran, mais elle, comme un peu à l'extérieur. Donc, concept très bien, mais concept qui vient d'être déjà repris avec un iPad et Apple TV. Donc, Nintendo qui vient de lancer donc une brand carrément là, de nouveaux produits puis un nouveau type de périphérique dans le fond. Là. Puis ils se font déjà couper l'herbe sous le pied par Apple. Là. Je me demande ce que ça va donner. J'ai vu également qu'ils sont excusés pour certaines choses. Là, je sais pas trop. Mais je vais vous montrer un démo vidéo de... Hi, I'm Krista from Nintendo. Hey, Krista Yang from Nintendo, tu vas te calmer un petit peu, là. C'est mon show, c'est pas le tien, OK? Je vais vous montrer un démo un peu de ce que ça peut avoir l'air, une minute, là, ici. Dans le fond, c'est que la fille va jouer à un jeu qu'elle doit se cacher, puis elle a la nouvelle remote, la nouvelle manette, oui, de Nintendo. Et les quatre autres personnes contre elle vont avoir... dans le fond, je vais laisser l'extrait parler, je sais même pas pourquoi je l'explique, je vous montre ça. Thanks for joining us today on the Nintendo Network. I'm here to check out the new controller and new console that was just announced at Nintendo's E3 presentation. And here is the new controller. Wow. I mean, essentially, it's a combination of a touchscreen, you have your traditional inputs, and you have motion control. But you have to see this actually in an experience. Donc le jeu que je vous parlais, Chase Me, c'est un labyrinthe que elle va se cacher. So the trick is really simple, Krista. All you have to do is run, and we're gonna chase you. All right. It's like a giant game of tag. Donc you're gonna be using the new controller screen. You have that personal set of information. We can't see what you're seeing. My job essentially is to be playing with the Wii Remote and these guys. We're gonna be using the screen to try and chase you down. You can use whatever information that you have on the new controller screen to evade us. You can also use the left circle pad to go ahead and move around. Donc, Krista ici qui a 15 secondes pour se cacher, elle a accès à la map. Puis eux voient pas ça, donc les 4 autres personnes ne voient pas sa location. Et les autres sont avec des Wii Remote justement. Donc, elle a son propre écran. Hey guys, let's communicate. Where'd she go? Elle a son propre écran avec la map et les autres la voient pas et la cherchent et ouvrent la poignée. Okay, I don't see her. Oh, she's in the middle of blue. Right. Okay. Donc ouais, donc je pense que ça donne une bonne idée à peu près de ce que je voulais dire. Nouvelle jouabilité. Ça dans le fond, c'est quelque chose que Apple a pas réussi à faire encore là. Ou je sais pas si ça va venir probablement là, mais t'as beau avoir un iPad qui fait la reconnaissance de la télévision, ok, mais pour jouer à 4 personnes, ça marche pas. Puis Nintendo sont les champions là-dedans, je pense, des jeux de party, puis ça a l'air d'être vraiment leur niche, leur créneau. Beaucoup de monde qui chiale contre la nouvelle Wii parce que laisse tomber encore un peu les hardcore gamers. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, on sait pas, là, avec la puissance d'une PS3 sur une Wii, ben il peut y avoir des développeurs qui vont décider de faire des bons jeux de gamers, puis pas nécessairement besoin d'utiliser la nouvelle... Le nouveau contrôleur qu'on a vu, que je viens de vous montrer là, dans le fond. Mais oui, c'est sûr que Nintendo sont plus large public, ont toujours été comme ça et ils vont toujours rester comme ça pendant que mon chat hurle à l'extérieur de la porte parce qu'elle veut rentrer, mais je peux pas aller sur le bureau, faire tomber la bière, la caméra puis tout ça. Là, donc, Gaffy, tu peux arrêter un peu là. Ah oui, c'est sûr qu'elle me comprend. Et puis écoutez, dernière petite nouvelle. Ben, c'est rendu 2-2 dans la série présentement entre Boston et Vancouver. Match 5 ce soir, oui. Vancouver qui ont perdu 4-0 la dernière partie. Et j'aime pas se dire ça, mais je prédis que Boston va gagner en 6. Luongo est en train de s'écraser. Puis Boston sont redevenus les Big Bad Bruins. Frappent tout le monde, sont intimidants, grosse confiance. Puis Vancouver a de l'air à s'écraser un peu. Puis les Sedins se font brasser. Écoute, en deux games, là, ça a été 12-1 dans le fond, si on fait le total des buts. Ça reste à voir, on sait jamais. On est en série et tout peut arriver. Il suffit d'un but parce que la finale, là, comme c'est là, ça aurait très bien pu être Blackhawks contre les Canadiens. Là, parce que les deux clubs en finale ont gagné en 7e game en prolongation, si je me trompe pas. Là. Mais en tout cas, donc c'est la beauté du hockey. Et puis cette semaine, on a appris également que le Canadien a signé deux joueurs. Donc Andrei Kostin, AK-46, oui. Un an, ça c'est correct, 3,25 millions, cher un peu pour ce qu'il donne. Par contre, c'est le troisième meilleur marqueur du Canadien depuis 2-3 ans, je pense, bizarrement. Là. Il y a eu des blessés, c'est sûr, mais qui compterait les buts sinon, là, s'il n'est pas là? Pouliot, je pense pas. Il a eu de la chance de le faire, puis il l'a pas fait cette année. Donc oui, peut-être un peu cher. Mais en tout cas, s'ils peuvent finir par le sizer puis lui donner la motivation de jouer à tous les games, parce qu'il a le talent, il a les mains, il a le physique pour. Il tombe juste endormi trop souvent. Je pense qu'on va y laisser sa chance, là. C'est quand même pas super. Et puis l'autre signature qu'on a eue pour une autre année, c'est Mathieu Darche. Et puis ça, on est très content. 700 000, Mathieu Darche. Donc, bonne aubaine. Un gars qui est tout le temps présent à chaque game, qui a joué du très gros hockey en série, Mathieu Darche. S'est remis d'une blessure convenablement à ce que j'ai pu lire. Donc, ben, mesdames et messieurs, c'est toutes les nouvelles que j'avais pour le hockey. Ben, je vais aller faire une petite pause musicale. Puis après ça, je vais vous revenir avec deux clips de Lonely Island pour terminer le show. Question de se gâter parce qu'on est vendredi. Là. J'imagine qu'on n'a pas droit, mais hey, NBC, sue me! Fait qu'on va écouter Pepper et Your Face. Et après ça, je reviens avec deux vidéoclips de Lonely Island. Restez là, vous êtes dans GF et compagnie, mesdames et messieurs. Pod Save que j'ai fait jouer cette semaine et que je vous repasse en replay en ce bon vendredi 10 juin 2011, mesdames et messieurs. Épisode numéro 6 déjà de GF et compagnie. Je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Jean-François Crompe, GF Crompe, sur Twitter. Ah, mais écoutez, avant de vous passer mes deux vidéoclips de Lonely Island, justement, j'ai une petite, pas une nouvelle Lonely Island, mais cette semaine, je vous ai fait passer, je vous ai fait jouer en fait le vidéoclip Eduardo Fresco. The Way I Party, c'est bien ça, je crois. Oui, avec Fez, dans le fond, Wilder Valderrama. Puis je disais que ça ressemblait à un genre de Lonely Island, mais version latino un peu suave. Eh bien, j'ai vu sur le site que c'était réalisé par Akiva Schaffer. Et qui est Akiva Schaffer? Mais c'est Keeve dans Lonely Island, justement. Donc, le petit avec les lunettes, c'est on va le voir d'ailleurs dans le premier vidéoclip que je vais vous présenter, là, qui est I'm on a Boat. C'est l'autre personne qui va être sur le bateau avec T-Pain. Mais, donc, oui, Akiva Schaffer. Excusez-moi. Keeve, qui est celui qui réalise les clips de Lonely Island le plus souvent. C'est lui qui est aussi à la barre, dans le fond, des SNL Digital Shorts, donc les genres de petits courts-métrages, de petits vidéoclips qui sont faits par Saturday Night Live. Donc, j'avais raison de croire que ça ressemblait à du Lonely Island parce que ça en était un petit peu, sans le vouloir. Je sais pas plus que ce que ça va être, tout ceci, là, Eduardo Fresco. Bien hâte de voir à l'automne. Plus de détails si j'en ai. Je vais vous mettre au courant, c'est sûr. Donc, on va se faire plaisir en ce vendredi. Et on va passer deux petits vidéoclips de Lonely Island. Et après ça, je vais terminer le show. Donc, je vous passe I'm on a Boat avec T-Pain. Et ensuite, Mother Lover avec Justin Timberlake. Donc, bonne écoute et je reviens pour terminer le show. Mesdames et messieurs. Wow! Free boat ride for three. Now, who should I take? Keeve? Yes. And T-Pain. Cool. Oh, shit! Get your towels ready, it's about to go down! Everybody in the place hit the fucking deck! But stay on your motherfucking toes! This. Let's go. I'm on a boat. I'm on a boat. Everybody look at me, 'cause I'm sailing on a boat. I'm on a boat. I'm on a boat. Take a good hard look at the motherfucking boat. I'm on a boat, motherfucker. Take a look at me. Straight floating on a boat on the deep blue sea. Busting by night, wind whipping out my coat. You can't stop me, motherfucker, 'cause I'm on a boat. Picture trick. I'm on a boat, bitch. Drinking Santana champ, 'cause it's so crisp. I got my swim trunks and my flippin' floppies. I'm flippin' burgers, you at Kinko's, straight flippin' cabbage. I'm riding on a dolphin, doing flips and shit. This dolphin splashing, getting everybody all wet. But this ain't SeaWorld, this is real as it gets. I'm on a boat, motherfucker, don't you ever forget. I'm on a boat and it's going fast and I got a nautical theme, pass me the Afghan. I'm the king of the world on a boat like Leo. If you own the show, then you show not me. Oh, get the fuck up! This boat is real! Fuck land, I'm on a boat, motherfucker! Motherfucker. Fuck trees, I climb buoys, motherfucker! Motherfucker. I'm on the deck with my boys, motherfucker! Yeah. The boat engine make noise, motherfucker! Hey, bye, if you can see me now! My daddy left. Cold. No one to hold it tight. mothers. I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lady where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. Fucking each other's moms. Cause every mother's day needs a mother's night. If doing it is wrong, I don't wanna be right. I'm calling on you cause I can't do it myself. To me you're like a brother, so be my mother lover. I'll be laying on the couch waiting for your mom, clutching on this loop and roses. I got my digital camera, I'ma make your mama do a million poses. They will be so surprised. We are so cool and thoughtful. Can't wait to book your mom. I'ma be the syrup, she could be my waffle. Shout now. My mama loves bubble bath with chamomile. Straight up, give it to my mom, doggy style. This is the perfect plan for a perfect Mother's Day. They'll have to rename this one All Up Under the Covers Day. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lady where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. Fucking each other's moms. Break it down. It would be my honor to be your new stepfather. It would be my honor to be your new stepfather. And while you're in my mother, make me another brother. Damn. And while I'm in your mother, I'll never use a rubber. Oh. Cause every mother's day needs a mother's night. Yeah. If doing it is wrong, I don't wanna be right. I'm calling on you cause I can't do it myself. To me you're like a brother, so be my mother lover. They blessed us both with the gift of life. She brought you in this world, so I'ma sex her right. This is the second best idea that we've ever had. The choice can be no other. Be my mother lover. Happy Mother's Day. Ah ouais, Happy Mother's Day, mesdames et messieurs. Oh, un new album dans ma face. Ouais, Happy Mother's Day, donc Mother Lover. Et on a entendu auparavant I'm on a Boat avec T-Pain. Et merde, on entend miauler en arrière. Hey, j'ai presque fini là. Je conclue mon show là, et j'ouvre la porte. Ah, Mother Lover. Et puis, comme je disais, I'm on a Boat. Première fois que je remarque, plusieurs fois que j'écoute le clip I'm on a Boat, et c'est la première fois que je remarque, je pense, que Keith, il lance des burgers. Je trouve ça complètement capoté hein, qu'il lance des burgers. Je sais pas pourquoi j'ai stické là-dessus tantôt, là, mais... Keith lance des burgers, mesdames et messieurs. Ouais. Ben écoutez, c'est ce qui conclut ce beau petit show improvisé à 5h15. Show que j'ai fait plutôt non seulement parce que j'avais juste David qui m'écoutait, mais j'avais également... J'ai des choses à faire ce soir. J'aimerais ça terminer nos projets. J'ai un projet Young à terminer pour Liaison Concept, un petit vidéo de 5 à 7. Et puis j'ai également, j'aimerais ça avancer le clip des Hommes et le Fan pour pouvoir vous montrer ça le plus tôt possible. Ah, donc j'ai devancé ce show de ce soir. Et donc, oui, la semaine prochaine, on va avoir une grosse nouvelle, moi et David, concernant Young Media lundi. Oui, on va faire ça, David, sur Skype, comme à l'habitude, oui. Aussi ironique que ça peut paraître qu'on reste à 4 minutes de distance, mais en tout cas, on va faire ça par Skype. Et puis également, la semaine prochaine, attendez-vous à un petit spécial, probablement lundi également, un petit spécial sur le mondial de la bière qui a lieu en fin de semaine. Donc, présent sur place, Team, GF et compagnie, on sera là. Donc, moi, je serai présent avec David, M. Minuit, il y aura mon frère Alexandre Crompe, il y aura Alex Gallipo, notre chroniqueur hockey, donc Draven SS. Possiblement également Guillaume C. Iclesio qui sera peut-être là avec nous autres. Alors, on va avoir, j'ai ça ici, petite caméra, hop, elle est branchée. Petite caméra ici, Kodak, là, petite PlaySport, qu'on va traîner avec nous et on va faire des reportages pour peut-être des dégustations de bière. Qui sait, on sait pas encore, mais on va faire un coverage live, dans le fond, du mondial de la bière, mesdames et messieurs, la semaine prochaine. Également, la fin de semaine, c'est la fin de semaine du Grand Prix, donc... Ben, manquez pas ça pour les fans de Grand Prix. Et puis, dans les prochaines semaines, ben, continuez à écouter le podcast. Comme je vous dis, je continue ça tout le mois de juin jusqu'à la première semaine de juillet où je vais prendre une pause d'une semaine pour des vacances. Je serai hors de la province. Mais, donc, écoutez, je sais pas encore ce qu'il va y avoir comme sujet. On se fie un peu à l'actualité, on commente. J'aurais peut-être des entrevues un peu plus structurées ou des sujets de discussion peut-être un peu plus structurés, comme je dis là. Avec des invités un peu plus pertinents. J'aimerais ça avoir M. Yann Thériault, M. Crapule sur Twitter. J'aimerais ça discuter avec lui de médias sociaux et de podcasts éventuellement. Donc, peut-être essayer de le têter un peu et de l'avoir sur un de mes shows éventuellement. Crapule, donc, oui. celui qui fait le stream, un autre excellent podcast que si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir immédiatement, mesdames et messieurs, donc lestream.com. Ah, ben écoutez, mesdames et messieurs, c'était un petit show quand même, 42 minutes pour quelqu'un qui n'avait pas de contenu, c'était quand même pas si pire. Ah, ben sur ce, mesdames et messieurs, je vais prendre ma dernière gorgée de bière qui me reste et je vais aller me faire cuire un bon steak et faire mes projets de yonk. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup David de m'avoir écouté dans ton salon. Mon nom est Jean-François Kromp. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à JF Kromp. Et je vous dis à la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Donc passez une belle fin de semaine. Salut tout le monde, bonne fin de soirée. JF et compagnie. Et d'être une présentation de Young Media.